À l'occasion de la journée de la brillante étoile, la cérémonie des militaires des forces de terre, de mer, de l'air et de la DCA de l'armée populaire de Corée, pour exprimer l'hommage sublime au généralissime Kim Il-sung et Kim Jong-il, et prêter le serment de fidélité au commandant suprême Kim Jong-un, s'est déroulée le 15 février sur la place du Palais du Soleil de Kumsusan. Y ont pris part le sous-maréchal Fang Byung-sung, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, les commandants de l'armée populaire de Corée et les élèves des écoles militaires et révolutionnaires de tout échelon. À la suite de l'exécution de la fanfare militaire de l'armée populaire de Corée, les participants ont exprimé l'hommage le plus sublime au généralissime devant leur portrait en sourire. Le sous-maréchal Fang Byung-sung a prononcé le discours pour rendre hommage au généralissime et prêter le serment de fidélité au commandant suprême. Il a invité à appliquer à fond et sans aucune concession les recommandations des généralissimes en les considérant comme ligne vitale afin de défendre parfaitement et de faire briller à jamais leurs exploits accomplis dans l'édification militaire. Il a proclamé de parachever tous les préparatifs de combat final en état d'alerte suprême, conformément à la demande de la situation aiguë en étape très dangereuse causée par les menées de provocation de guerre contre notre République et des ennemis, et d'exterminer tous les agresseurs par les premières frappes impitoyables une fois reçu l'ordre pour mettre sur pied une grande puissance réunifiée sur le sol de 3000 ri. À la suite du défilé des militaires des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes, et des élèves des écoles militaires et révolutionnaires de tout échelon, il y a eu les feux d'artifice pour célébrer la fête de février.